d'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. Et les fautifs se repassent la faute. Mais notre histoire est un trésor, enfermant la vérité. Symbole d'espoir laissé dans les cieux. Deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux. Deux miroirs en face l'un de l'autre, reflétant l'éternité. Éclairé par le soleil couchant et la lumière de la lune à l'aube. Mes deux pieds sur deux plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre. Quand tu as vu le jour, il pleuvait. Ce monde tourne à l'envers. Quand tu es parti, le ciel était rose et ta peau était bleutée. Le ciel aussi pleure après la dépression. Je trouve l'idée précieuse. Nuage nous sous un nuage noir. Les seules vraies réponses, ce sont des questions. Comme la femme de Salomon, tu adorais le soleil avant de rejoindre Dieu, avant de laisser mon âme seule au monde. Ah, elle te fait renaître un jour, le lendemain ta chair, suspendue à ses lèvres, obligée de m'attacher. La vérité vaut son pesant d'or, nos exemples sont trafiqués. Je suis en apesanteur, tout me semble sans gravité. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'imagine ton image dans le ciel. Pour dessiner les traits de ton visage, je relis les étoiles entre elles. Je veux pas seulement qu'on m'aime passionnément. Je pensais la connaître, c'est tout moi. Embrassez-moi comme elle, trop de trous noirs et de plans sur la comète. Je suis une étoile filante, je laisse les traîner derrière moi. Une étoile filante, je les laisse me pointer du doigt. Mes angoisses et mes songes se ressemblent à s'y méprendre. Comment embrasser le son et ses méandres sans laisser mes cendres. Marre de ce manège, dis-moi qui tient les manettes. Je ne crois que ma mère, le cauchemar démarre dans ma tête. Et je sens mon mal-être grandir de manière exponentielle. Ah, à l'aide. Une étoile explose dans le ciel. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. J'attends la réussite des astres. D'hommes sincères, Dieu sait qu'on est seul. Et les fautifs se repassent la faute. Mais notre histoire est un trésor, enfermant la vérité. Symbole d'espoir laissé dans les cieux. Deux âmes sœurs, les yeux dans les yeux. Deux miroirs en face l'un de l'autre, reflétant l'éternité.